je ne devrais pas y passer mes journées à en perdre mes moyens dès que tu m'apparais. J'ai donc besoin de noircir toutes ces pages pour te louer, te rendre hommage. Car moi ce que j'aime, c'est respirer ta peau soyeuse, que ton sourire m'emmène au-delà de la terre. Moi ce que je voudrais, c'est pouvoir te rendre heureuse, que ton sourire m'emmène au-delà de la terre, dans l'univers. Hélas, je ne chante pas avec un grand orchestre, je n'ai rien d'original, je suis un palimpseste. Je n'aime que ton âme tempétueuse, fait d'incroyable, de merveilleuse. Car moi ce que j'aime, c'est respirer ta peau soyeuse, que ton sourire m'emmène au-delà de la terre. Moi ce que je voudrais, c'est pouvoir te rendre heureuse, que ton sourire m'emmène au-delà de la terre, dans l'univers. Lorsque nous serons vieux, je te chanterai encore pour remercier les dieux. Que ton épaule dénudée à chaque instant me soit donnée. Car moi ce que j'aime, c'est respirer ta peau soyeuse, que ton sourire m'emmène au-delà de la terre. Moi ce que je voudrais,